boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Symphonique d'Entre-deux-Mers. C'est l'ouverture du concert qu'ils ont eu avec la rue Quétanou il y a quelques années. Et le 7 mars, c'est le jour breton. Musique, fest-noz, chouchène rendez-vous. Alors dans Pop and Rock, avec deux jours d'otard, on va faire la fête à la Bretagne avec un invité, un amoureux de la Bretagne, mon pote Bertrand, qui va nous emmener dans sa Bretagne musicale. Mais avant tout, pour commencer, Bertrand, dis-nous, c'est quoi ta musique à toi ? Ah Eric, ma musique. Ma musique, je dirais qu'elle est inclassable. Petite anecdote, j'ai un oncle qui est très féru de musique. Et quand il entend ce que j'écoute, ou quand il écoute ce que j'entends, il ne sait pas dans quelle catégorie la mettre. Alors je vais essayer de la définir quand même. Pour moi, ça serait de la world music, de la musique ethnique, qu'on appelle aussi parfois du folk. Et dans le folk, ma musique est plutôt celtique. Et dans la musique celtique, elle est certainement bretonne en particulier. C'est une musique à partager, à danser, à travailler. C'est celle qu'on retrouve dans les fêtes de nuit, héritées des festounos, bien sûr. Et elle est un patrimoine vivant qui se transmet de génération en génération. Alors, bien compris, bien évidemment, mais tu le sais, on est dans Pop and Rock, et dans Pop and Rock, il y a rock. Donc justement, pour toi, un groupe de rock breton, ça existe ? Alors, à propos du rock, est-ce qu'il existe un rock breton ? Oui, bien sûr, le rock breton existe. Je l'ai rencontré, j'allais dire. Et là, j'ai envie de t'orienter sur des groupes comme les Ramoneurs de Menhir, ou Matmata, ou peut-être même les frères Plantec, qui enflamment les festooneuses actuellement. Matmata ? Bah écoute, ça tombe super bien, parce que Matmata, on écoute souvent ça dans Pop'n'Rock. Créature enragée qui ne cherche qu'à ronger, ronger le corps d'un homme, toute sa vie résignée, espace confiné, quatre murs étouffés. Foncer sur ce que nous propose Bertrand. On va donc écouter un morceau de Plantec. Là, ça sent la Bretagne à pleine marée avec le morceau Speedwell. Allez, on vous a ramené une belle fleur d'Écosse. C'est Speedwell et c'est un page-pi. We'll be right back. Les frères Plantex, ça sent vraiment la marée, ça sent vraiment la Bretagne. Et donc, ma curiosité m'amène à aller chercher le deuxième groupe dont nous a parlé Bertrand, les Ramoneurs de Menhir, avec un morceau beaucoup plus rock qui s'appelle Menace Daou. Marquès Bleico. Bon bah Bertrand, on a bien compris hein, que la musique bretonne, c'est vraiment, c'est très très typé. Hein. Ça sent le sel, ça sent la mer, ça sent le chouchène, hein, on l'a dit tout à l'heure. Mais bon, si vraiment on veut découvrir le rock breton ou la musique bretonne, quel groupe breton faut-il vraiment voir? Ah, encore une question difficile. Quel groupe breton faut-il voir absolument? Ça, c'est une autre question piège. Comment choisir? Et puis, en fait, c'est sans cesse renouvelé. Bon, bah, par exemple, j'ai envie de te dire Alan Stivell. Cela fait 50 ans qu'il chante. C'est lui qui m'a donné le déclic et qui a ouvert la porte. Il vient d'ailleurs d'achever sa tournée Human Celt. Et je l'ai d'ailleurs rencontré à cette occasion à Saugues, en Haute-Loire, au festival Celt en Gévaudan. Mais j'aurais aussi envie de te parler de Trianne, qui sont hélas en train de parcourir leur tournée Kenavo et qui s'achèvera à Nantes en mars prochain. Mais en fait, il ne faudrait pas un, mais des concerts pour connaître la musique bretonne dans son ensemble. Eh bien, pas de souci Bertrand, je vais te prendre au mot et on va donc se promener dans les univers de Alan Stivell, mais également de Trianne dans notre Pop and Rock sur RVR, spéciale nuit de la Bretagne. Bon, on a toujours un petit peu de retard puisque c'était le 7 mars. On est parti donc avec Trianne et Alan Stivell. Croque ton granit comme on croquerait du sucre. Rock de sucre. Boire des yeux grands ouverts, les bleus verts qui vibrent dans l'air. Voir du train à travers la vitre, les premières cheminées mégalithes. Par la fenêtre entrouverte, entrer en Bretagne. L'odeur de l'iode, la bouse mouillée, et sentir mes yeux se brouiller, entrer en Bretagne. Voir passer les arbres, les villages de mon jeune âge, de mon jeune âge. Et mes souvenirs retrouvés au passage. C'est ici que j'ai poursuivi les chevrons fuyant des filles. Dans mes rêves à travers la bruine, le long de la presqu'île. Et Dieu que c'est bon revenir en ce lieu où vit ma mémoire. Retrouver les noms du pays, rentrer en Bretagne. J'ai connu sur notre terre, sur la terre. J'ai appris à aimer l'univers, haïr les frontières. Est-ce une raison pour avoir honte si dans mon cœur pieds frappent sol familier en terre d'Armorique? Quant à la fille aux yeux bleus nuit, si vous la voyez quelque part, allez lui dire que je suis rentré en Bretagne. galé qu'est la me battre Puyenne et jouer une balle monde vivique Et présente spécial triplette, pourtant une petite triplette de Adam Stivell.

Conseille-moi le morceau, l'hymne breton qu'on doit absolument connaître. Qu'est-ce que tu me dirais ? Pour parler d'un seul morceau de musique que j'aimerais te faire écouter, j'en serais bien embarrassé. Mais enfin quand même, il y en a un qui met tout le monde d'accord, si je puis dire, et qui est finalement l'hymne breton, c'est le Brogoz Mazadou, on pourrait traduire par le vieux pays de mes ancêtres. C'est celui qui se joue à l'issue des rencontres musicales et que l'on entend tous les ans, par exemple, au Festival Interceltique de Lorient dans la première quinzaine d'août. Von Kreis abrisel und tadu kemat as kuyas eviti o guad. Du Arav Senkos, du Arav Barzin. dans notre soirée spéciale Bretagne, alors Trian, Alan Stivell, Matt Mata, tout ça ok, mais il y a quelque temps que j'entends parler d'une certaine Nolwenn Leroy. Nolwenn Leroy, qui chante breton, qui chante la Bretagne. Non mais franchement, la Starac qui chante la Bretagne. Tu trouves ça sérieux, toi ? Ah oui, Eric, je suis sérieux, très sérieux. Nolwenn Leroy, qu'est-ce qui te dérange ? D'abord, quand on est en Bretagne, on n'est pas Nolwenn Leroy, mais Nolwenn tout court. Ensuite, je vais te prendre une comparaison. Prenons un œuf, par exemple. Peu importe comment cet œuf a été couvé et par qui. Et tout le monde sait que le vilain petit canard deviendra le plus beau des cygnes. Eh bien voilà. Je vais d'ailleurs te faire écouter une chanson. Le texte et la musique sont d'Alan Stivell. Donc on aura une partie de cette chanson chantée par Alan Stivell, on va dire l'original, et qui a été reprise par Nolwenn justement dans son CD qui s'intitule Bretonne, et qui remonte déjà à quelques années. Et puis ensuite, je pense que tu pourras nous trouver un duo sur scène entre Alan Stivell et la petite Nolwenn, comme j'aime à le dire. Voilà, et ce titre interprété en commun, ce sera Brian Boru. Bon Bertrand, vraiment pour te faire plaisir, donc on va écouter Bretonne de Nolwenn Leroy et on enchaînera rapidement avec le morceau en duo avec Alan Stivell. Allez, on continue pour notre soirée et notre fin de soirée avec la Bretagne. Ton granit comme on croquerait du sucre. morning we got a is a malakia and tan chara and tan tua and tan down is no kelta mari priya boru have had a herring she hana the got a hug is a malakia and tan chara and tan tua and tan down is no kelta Donne za hadu de ne za neon de bidu e benu za hadu de ne an ha gune an shi han bi ya gbad de ra de ne za hadu de ne za neon de bidu e benu za hadu de ne an ha gune an shi han bi ya gbad de ra En Irlande, brille encore cheveux roux, harpe d'or dans la lande, l'étendard et l'épée debout plantés en terre, et la paix revenue en Ulster, mort brille en Borou, rend la vie à l'Irlande, et aux arbres de la paix, allumer la guirlande, dans les yeux des enfants, oublier cet enfer, enfin venue la paix en Ulster, t'es l'air de la guerre à l'air de la paix. Si un dieu enfin peut bénir l'amour de Neza Hadou, de Neza Nehan, et Benoît ou Egaharou. De Neza de la guerre à l'air de la paix. Si un dieu enfin peut croire à l'amour de Neza Hadou, de Neza Nehan, et Benoît ou Egaharou. Quand on sera au bord de la rivière. Okay, I'm Krishna Michadu Kosha Win. Merci Bertrand pour cette belle heure passée grâce à toi en Bretagne avec tous ces beaux artistes. Et on va se quitter avec un dernier morceau, une danse bretonne typique visiblement. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Merci Bertrand. Et nous continuons, nous allons au vent, des grandes plateformes.